je fais. Que je suis. Que je fuis, que j'en sais, ce que je suis. Que j'en sais, ce que je fais, ce que je suis, ce que je fuis, ce que j'en sais. J'en sais ce que je fuis, ce que je suis, ce que je suis.